Lila, ma vie. Le soleil perce mes volets, qu'il est doux de se réveiller aux côtés de quelqu'un qu'on aime, deux corps qui s'enlacent, privés de toute étoffe, sa peau contre ma peau. C'est étrange, il se dégage de cette situation pourtant nouvelle une impression de naturel époustouflant. Oh Lila, que j'ai peur de te perdre! Par prévention, je m'accroche à son dos comme si le lit était en pente. D'ordinaire, au réveil, les souvenirs de mes voyages oniriques se manifestent sous les traits d'une forme en trois dimensions, quelque part dans mon cortex. De forme variable, toujours polie, en couleur. Ce matin, rien. Comme si je n'avais plus besoin de théoriser la beauté parfaite. Comme si je n'étais plus en recherche. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux. Bientôt, tiraillé par une faim qui me ramène à ma basse condition d'être humain, amalgame ordonné d'organes, je me résous à désincarcérer Lila de mes bras. Comme je l'avais prévu, le lit était bien en pente, bien plus que je ne le croyais. Je réussis miraculeusement à cramponner le drap au tout dernier moment, juste avant la chute douloureuse sur le sol froid de la chambre. Mon cœur bat fort, Lila ne s'est pas réveillée. J'attrape mes béquilles, je chasse doucement de la main les oiseaux aux jolies couleurs qui chantent partout dans la pièce, puis je sors de la chambre. Dans la cuisine, je prépare des pâtisseries express à la miloche, sorte de muffin à ma manière, prêt à déguster en 20 minutes. Pendant que le café coule, je dresse une jolie table que je couvre de la nappe à carreaux que je réserve à mes invités. Il va être temps d'aller réveiller Lila. Une énorme inquiétude me saisit. De quelle nature vont être nos rapports aujourd'hui? Fait-elle cela avec tous les hommes avant de disparaître? Est-ce un jeu pour elle, une habitude, une simple marque d'affection? J'aimerais laisser aller la vie, penser qu'on verra bien, et m'en remettre au destin. Mais voilà, je ne sais pas. La porte s'ouvre. Lila apparaît, dépeignée, endormie, nimbée d'une lumière surnaturelle, un grand couteau à la main. Mon cœur cogne. Elle est belle dans mon pyjama trop grand pour elle. Je suis prêt à jouer le rôle de l'agneau du sacrifice. Mourir après avoir connu l'extase, cela ne me déplaît pas. « Bonjour, mon Mimi. T'es parano ou quoi ?» me dit-elle en brandissant le long couteau. « Je t'ai pris un pyjama dans l'armoire qui sent bon la lessive. Il fait pas chaud ce matin. » Ça y est, j'ai reconnu le couteau d'hier soir. Au lieu de me le planter dans le ventre en poussant des hurlements, Lila le pose de façon plus conventionnelle sur la table, venant m'entourer le corps de ses bras, posant sa tête sur mon torse qui rougit de plaisir. « C'était bien cette nuit, mon mémé, » me dit-elle en se levant plus fort contre moi. Bientôt, mes deux bras gauches entourent son corps et nous respirons d'un souffle commun. Elle se dégage brusquement dans un bruit d'électricité. « Ça sent super bon! Qu'est-ce que t'as mijoté ?»« C'est une recette à moi. Des muffins à ma façon avec que des bonnes choses à l'intérieur. » Des raisins secs, des noix, des amandes, du pâté. Du pâté? Non, je plaisante. Ça ne te fait pas rire? Tu m'as fait peur. T'es bête. Merci. J'ai fait du café aussi. Super. Assieds-toi, je l'amène. Et nous déjeunons tous les deux, pour la deuxième fois. Pour moi, c'est la première. Je crois même que je n'ai jamais déjeuné jusqu'alors. Lila parle toujours beaucoup, mange à l'unisson. Elle apprécie ce qu'elle appelle les Milo Muffins. Elle m'apprend que le petit déjeuner est son repas préféré, et je note. J'aime la regarder vivre. Elle s'agite beaucoup avec ses mains, ses bras, sa bouche, se lève à tout moment pour aller chercher une serviette, du lait, du sucre. Et ses gestes sont exécutés avec naturel. Lila a reçu la grâce, que voulez-vous? Tu sais, Miloche, me dit-elle, je crois que je suis un peu amoureuse. Je frémis. Je savais que cela ne pouvait pas durer. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je tremble. De qui? Du voisin. Du voisin? Mais de quel? Mais non, Miloche, de toi. Tu me plais, je suis attaché à toi. Ça me fait bizarre dans la poitrine. C'est comme ça que je le traduis. Je crois, je sais que je suis un peu amoureuse de toi. Tu es amoureuse de moi? Oui, je crois que c'est ce que je dis, oui. Toi? De moi? Mais Miloche, t'es un diesel, toi! On n'est que tous les deux dans la pièce! Oui, moi, Lila, je suis amoureuse de toi, Miloche. J'ai l'impression de jouer dans un film de Tarzan. Écoute, ce qu'on a fait cette nuit, je le fais pas avec tout le monde. Il faut que j'aie des sentiments, tu vois. J'ai des sentiments pour toi. Je me sens faible. Mes yeux s'embuent, alors je les baisse pour faire diversion. Lila me prend la main. Hey, mais t'es un émotif, toi. Merci, Lila. Ça me fait plaisir ce que tu as dit. Moi aussi, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire? Ben, comme tu as dit. Je comprends pas. Ben, tu sais, oui, je sais peut-être, mais je veux l'entendre. Ah, eh bien, moi aussi, je... Tu? Je suis un peu... Un peu... Je suis un peu... Amoureux de toi. Bravo! Ben, tu vois que tu sais t'exprimer. Ne te moque pas, Lila. Ce n'est pas facile. Elle se poste derrière moi, se courbe pour m'embrasser dans le cou, me murmure. Ça me fait très plaisir ce que tu viens de me dire. Mais Lila, on le sait, n'est pas du genre à s'apesantir. Après un retour à la position verticale et un bond, elle débarrasse la table en un clin d'œil, lave, frotte, met de l'eau partout, range. Je suis au spectacle. On va faire un petit tour, me propose-t-elle. Où? Je sais pas moi, dans le quartier. Je vais pousser ta charrette dans les rues, histoire de prendre un peu l'air. Mais Lila, il fait jour. Tu sais bien que... Ah oui, oui, c'est vrai. Tu permets que j'aille m'exprimer quelques minutes sur ton plaque-minier? J'aimerais clarifier certaines émotions. Pendant que Lila s'agite sous mon arbre, je me dirige vers l'atelier. Après quelques minutes de contemplation passive de mes marbres bruts, je me rends à l'évidence. Je n'ai aucun désir aujourd'hui de leur donner une forme. Rien ne me vient, ma tête est ailleurs. Je ressors, je regarde Lila, je m'approche d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. J'étais trop loin de toi, je m'ennuyais. Tu t'ennuies, toi? Non, d'habitude, non. Mais là, oui. Je peux lire ce que tu écris? Non, je préfère pas. C'est un peu personnel ce matin. Attends, je vais t'en écrire un exprès pour toi. Lila réfléchit quelques secondes, puis laisse courir son stylo sur la feuille. Elle tire la branche vers moi. Je peux lire. Mon Miloche, plus je vis, plus de toi je suis proche. Mon Mimi, je t'aimais le jour, je t'aime aussi la nuit. C'est beau, balbutiai-je l'air gêné, dans un battement de cils et de cœur. Merci, me répond Lila en me tournant le dos pour revenir à son balai. Bientôt, je rentre à regret vers la maison. Je me suis vu de l'extérieur, petit chien, empêtré dans ses jambes. J'ai peur qu'elle me trouve un rien collant. Je vais lire. Quelques grosses poignées de minutes plus tard, Lila corne ma page, froisse mon monde quand elle m'apprend qu'elle doit s'en aller. Pour toujours? Mais non. Pourquoi? J'ai des choses à faire, Miloche. Où tu vas? Chez moi. Je vais faire une course et je rentre à la maison. Tu ne veux pas rester un peu? Tu vas en avoir marre de moi, et moi de toi. Mais non, tu peux habiter un peu chez moi si tu veux. T'es fou ou quoi? Je tiens trop à toi pour ça. En plus, je dois nourrir mon chat. Il va s'inquiéter, le pauvre. J'ai envie de lui répondre qu'elle peut venir s'installer ici avec son chat toute la vie si elle veut. Mais je sens bien que mon attitude va l'inquiéter. Si je n'ai pas encore l'expérience de la vie en couple, j'ai quelques notions théoriques. Quand je pense que certaines mauvaises langues osent prétendre que les romans c'est de la fiction, à chaque moment inédit de ma vie, je me dis « Ah oui, c'est comme dans le roman de C » ou « On dirait l'héroïne de V ». Il paraît que les romans s'inspirent de la vie. Chez moi, c'est le contraire. L'humanité est faite d'éléments complémentaires. Là, je dis « Bon, tu lui passeras le bonjour de ma part. » À qui? Au chat. Tu lui diras « Je vais un peu moins te voir désormais, car Miloche a besoin de moi maintenant. » Ok, promis. Elle m'embrasse, me serre fort dans ses bras. « Bon, je reviens demain ou après-demain. Je vais te trouver un costume pour la dédicace de G. » Je déglutis. Je blanchis. Je voudrais prononcer une parole, mais les mots se sont perdus dans un coin sombre. Ils ont fait une fausse route. Je ne suis capable que d'agiter la main tandis que Lila s'éloigne en martyrisant le timbre de son vélo, m'envoyant des baisers de sa petite main, qui voyage de sa bouche au ciel. Je suis seul, là. Je suis même encore plus seul que seul. Je ne suis qu'à demi. Pour tout dire, j'ai l'impression de n'être qu'au tiers. Oui, moi qui pensais avoir trouvé ma moitié, je me rends compte à présent qu'elle prend ses aises. On pourrait dire que Miloche égale 2 Lila divisé par 3 plus Miloche divisé par 3. C'est complètement incomplet que je roule sans envie jusqu'à mon salon, après avoir fait un tour du propriétaire. Même mes courgettes semblent privées de toute envie. C'est dire. Je me reconstitue avec joie dès le surlendemain soir, quand je suis tiré de mes réflexions par le bruit répété du carillon de la maison. Lila, que j'ai reconnue à ses coups de sonnette, ne cesse que lorsque j'apparais sur le pas de la porte. Elle rentre dans le jardin, m'embrasse, détache le gros carton accroché à son porte-bagages, vient à ma rencontre en riant. Elle pose son lourd chargement sur la table. « Alors, j'ai apporté à manger pour ce soir, quelques affaires de toilette, une chemise de nuit un peu plus féminine que le pyjama de Little Nemo. Au fait, je dors chez toi cette nuit. Tu n'attendais personne ?»« Eh, regarde ce que j'ai au fond de mon sac !»« Un joli costume presque neuf pour la dédicace. » Avec de superbes chaussures en cuir bien cirées. C'est un copain qui m'a prêté ça. Il m'a même dit que tu pouvais garder le costume, mais il le met plus. Pour la chemise, on en trouvera une dans ton armoire. On peut pas dire que tu en es de très neuve, mais avec un bon coup de fer, ça passera. J'ai hésité pour la cravate, mais ça ferait un peu too much, tu crois pas? Écoute, c'est très gentil ce que tu fais là, mais j'ai réfléchi, je crois que... Miloche... « Je sais ce que tu vas me dire. Il y a des fois où tu ferais bien mieux de ne pas réfléchir. Tu iras à cette dédicace, un point, c'est tout. Je viendrai avec toi si tu veux. Je te tiendrai la main, je te porterai sur le dos s'il faut. Je peux même te traîner par les pieds. Mais tu viens là-bas, c'est moi qui te le dis. Tu ne peux pas me faire ça, Lila. Tu n'imagines pas comme c'est dur pour moi. » « Non, t'as raison, j'imagine pas. Écoute, laisse tomber, on en parlera demain. » Et c'est bien ce que nous faisons le lendemain au petit déjeuner. Les yeux bordés de reconnaissance en ce matin frais, entre deux gorgées de café au lait brûlant qui me réchauffent le corps, je dis à Lila, regrettant déjà les paroles que je vais prononcer. « J'ai réfléchi cette nuit et... Miloche, je t'ai déjà dit de ne pas trop réfléchir. Non, non, mais là, j'ai réfléchi autrement. »« Ah bon ?»« Oui. » Et je me suis dit que c'était une trop belle occasion, cette dédicace. Donc, si tu viens avec moi, eh bien... Oui. Eh bien, en un mot commençant... Je t'écoute. J'irai. Yes ! Bravo, mon Mimi, dit-elle en embrassant ma joue tremblante. Merci. Mais j'aurai quelques conditions. D'abord, je n'ai pas l'habitude du costume, alors... Peut-être que je pourrais mettre un imperméable par-dessus. Ensuite, je voudrais être sûr de ne croiser personne que je connais. Mais tu connais personne. Au maximum, tu peux croiser Aimé, qui sera très content de te voir, et très étonné. Non, je ne parle pas de lui. Je connais des voisins, par exemple, ou des infirmiers que j'ai vus à l'hôpital, ou le facteur. Je n'ai pas du tout envie qu'on me reconnaisse là-bas. Je serai peut-être obligé de parler, ou même de subir leur conversation, et je ne veux pas. Ok, mais comment tu vas faire? Tu veux un chapeau avec un voile de crêpe? Un niqab? Un masque de Donald? Peut-être pas, non. Je pensais à une fausse moustache et des grosses lunettes. Tu plaisantes? Non. Tu ne peux pas me trouver ça? Si, si, si. Je peux te trouver ça. Tu veux un faunet aussi? Il y a un magasin de farce et attrape en ville. Ils font des promos sur le complet lunettes moustache faunet. Tu mets un petit chapeau pointu par-dessus et je peux même te fournir une sarbacane multicolore avec des cotillons. Lila. Non mais, t'es vraiment sérieux? Oui. Je voudrais juste une moustache, des grosses lunettes à verre neutre et un chapeau. Et un chapeau? Oui. Un chapeau mou, tu sais, comme les gangsters. Ça fait de l'ombre sur les yeux. Mais Miloche, tu vas te faire embarquer par la police, ils vont te prendre pour un pervers. C'est ça? ou je n'y vais pas. Miloche.